Je suis Sherlock Holmes. Quoi ? Holmes est ici ? Professeur, il y a Sherlock Holmes. Il est chez Gilmore. Ah, je vous paye une véritable fortune, monsieur. Si vous ne découvrez pas rapidement le coupable, je vous renvoie. Bonsoir et bienvenue. C'est extrêmement naturel, cette introduction. Oh, très. Bonsoir et bienvenue. Sixième épisode déjà de Podcast Holmes, ce podcast extraordinaire que le monde entier nous envie, avec aujourd'hui trois nouvelles personnes autour de la table, trois improvisateurs de talent, n'est-ce pas? Messieurs, vous allez nous faire rire durant cette petite demi-heure que nous allons passer ensemble. En commençant tout de suite ben voilà, par Maxence. Allez, bonjour Maxence, comment vas-tu Maxence? Bonsoir, merci de m'accueillir ici sur ce plateau. Alors Maxence, c'est de la radio, donc il faut parler dans le micro. Voilà. Hein, sachez-le les autres. C'est une première pour moi avec ce micro, j'ai pas l'habitude, donc il risque de partir à gauche et à droite durant l'enregistrement. Donc ça risque d'être extrêmement désagréable pour l'auditeur. Je vais essayer de m'améliorer sur cet usage. Voilà, mais là tu n'y arrives pas par exemple. Ça enregistre là ? Oui, ça enregistre. Pardon. Mais je te conseille de le poser sur le menton comme ça, si tu bouges, et ben le micro bouge avec toi, tu vois. Okay. Alors ce n'est pas très naturel. C'est bon, certes, on est bon. On est bon, pour... très bien. Caroline est avec nous, bonsoir Caroline. Bonsoir. Bonsoir. Comment ça va bien? Ça va bien. Bah écoute, tant mieux alors. Hein. Et puis nous avons Rémi également. Salut, c'est Rémi. De retour parmi nous. Ah, de retour, écoute, voilà. ça fait plaisir, ça fait du bien hein, de te voir entre dans deux. Cette posture-là. Bah, qu'est-ce que... Ah bah c'est sûr, évidemment, entre deux concerts, entre deux, ouais, voilà, c'est compliqué. Mais je t'avoue que ça me fait toujours ce petit quelque chose de te voir avec ce casque sur les oreilles. Moi aussi, ça nous rappelle de bien beaux souvenirs. Qu'à nous d'ailleurs, puisque personne ne nous écoutait à l'époque. Oh oui. Pas et plus c'est pour ça qu'on faisait un peu n'importe quoi d'ailleurs. Oh, hein. C'est ça. Alors en quelques mots, messieurs dames, je vous explique rapidement le concept de l'émission que vous connaissez puisque vous l'avez déjà écouté bien sûr. Bah écoute, je t'avoue que j'ai préféré le troisième moi, ouais. Épisode. Ah oui, avec qui? Alors le troisième épisode, c'est quand le jeu d'acteur est bon, au final tu te souviens plus vrai, des personnages. Moi avec Céline Dion, j'ai beaucoup aimé. Ah bah c'était le troisième d'ailleurs, je crois. Mais voilà. Oui, voilà, Céline. Ouais. Bon, merci. Oui, Céline qui a interprété merveilleusement Mégane. Alors, comme vous avez pu l'entendre dans l'introduction, je jouerai donc Sherlock Holmes, qui, retenu chez Gilmore pour d'autres obligations, se voit contraint et forcé de déléguer la résolution d'une enquête urgentissime à quelques-unes de ses connaissances. Ok? Ses connaissances, évidemment. Non, c'est vous. Ah, c'est nous, d'accord. Voilà. Je vais dans un instant vous distribuer une petite fiche avec votre rôle et une description succincte du personnage que normalement vous devriez connaître. Oui, quand même. J'ai fait en sorte que vous les connaissiez. Ils ont tous, de près ou de loin, un lien avec le village dans lequel vous serez emmené à enquêter. Charge à vous, ensuite, de nous faire rire, bien sûr, sans oublier éventuellement de faire avancer l'enquête. Ok ? Est-ce qu'on peut aussi passer par d'autres émotions, la tristesse peut-être? Bien sûr. Ouais. La joie, la peur, la frayeur. La peur, on peut aussi. Je sais que tu as toute une palette d'émotions à ton arc. C'est vrai, ça ne se dit pas ce que je viens de dire, mais c'est pas grave. Tu as plusieurs cordes à ton arc, voilà, c'est ce que je voulais dire. Plusieurs cordes, plusieurs palettes aussi à mon arc, ça arrive aussi. Je peux tirer plusieurs couleurs différentes aussi. En même temps, plusieurs cordes à un arc, ça ne sert à rien finalement. Plusieurs cordes à un arc, c'est vrai que ça. Plusieurs flèches éventuellement. J'ai beaucoup de flèches par contre. Ouais, plusieurs flèches. La conclusion est là, j'ai beaucoup de flèches effectivement. Durant l'épisode, messieurs dames, vous aurez à glisser dans l'une de vos interventions, et le plus naturellement possible, un mot. Hein. Alors c'est les mêmes mots à chaque fois, c'est soit sandales, soit coléoptère ou raclette, c'est marqué sur votre petite fiche. Il y a un niveau différent. Okay. Ah bien sûr, il y a du level. Si jamais à un moment donné, pendant l'enregistrement, je sens que ça part en live, que vous galérez un petit peu, vous avez sur vous un téléphone portable, hein, n'est-ce pas? Voilà. Et je peux donc vous joindre à tout moment grâce à ce son. Ça c'est, c'est une sonnerie de téléphone. Ah, ouais, pas mal. En tout cas, c'est bien fait. Les effets spéciaux sont au rendez-vous. C'est spectaculaire. C'est du After Effects, c'est du. Ah oui, non. C'est du 100% Michaudet. Oui. C'est la première fois qu'on fait une intro aussi longue, je crois. Hein. Très bonne qualité. Mais intro longue, intro de qualité. Tout à fait. Vous pouvez également m'appeler à tout moment, bien sûr. Hein. Vous dites, on va appeler Sherlock Holmes parce que c'est en galère. Et puis, je saurai répondre à vos questions, bien sûr. Parfait. Soit. Dernière contrainte. Il faut absolument que l'épisode se termine sur une révélation fracassante, à savoir un nouveau mort, qui présente les mêmes caractéristiques que le précédent, c'est-à-dire des paroles de Joe Dassin retrouvées sur le cadavre du corps. Ok ? Ouais. Lorsque vous entendrez... C'est la seule caractéristique, genre. Oui, c'est ça. Ah, okay. Bah, il est mort avec des paroles de Joe Dassin. Il peut être blond, je t'avoue que ça me dérange un peu. Moi, non, pas de soucis. Toutes ces victimes brunes qu'on voit à la télé, par exemple, tout ça c'est socialement construit, il faut le savoir. Oh putain. Lorsque merde. Vous entendrez ceci. La peur. Le méchant. Il vous restera 5 minutes. pour conclure l'épisode. Donc si jamais vous n'avez pas encore découvert le corps à ce moment-là, bah, il faudrait vous activer un petit peu. Ok ? Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout cela ? Bah écoute... Moi ça paraît clair. A priori ça va. Ça paraît clair. Cas, merci pour cette introduction. Bah écoute, je t'en prie. Je sens donc, Caroline un peu peut-être un peu... Pas du tout, je la sens très bien Caroline. Tout à fait. C'est tout à fait ça. Elle est perplexe. Alors je vais vous donner votre petite fiche, vous allez lire aux auditeurs qui vous êtes. Je fais passer où ? Non, c'est toi ça, moi, donc, c'est pour toi. Tu peux passer aux spectateurs, ça n'a aucun intérêt. Alors Michael Jackson. Tu vois qui c'est ? Le noir, enfin le blanc, le... Oui, c'est le ça, gris, ça, le ça, gris, ça, le gris. Ça sera coupé au montage, bien sûr. Oh, c'est oh, une petite blague raciste, ça fait pas de mal. Je sais pas, ouais. Oh. Là, la problématique est trop compliquée, là, pour... Allez, allons-y, enchaînons. Je faut que je la lise ? Oui, bah oui, pour que... Donc, Michael Jackson. Rémi, donc c'est moi, hein. Viens et au Louis. En repérage à Phalange sur Tibia. C'est le nom du village dans lequel vous êtes. D'accord. Pour le clip de son prochain single, Failure. Yes. Et le mot donc ce que je dois dire, que je dois prononcer voilà, durant sera... tout ce temps, ce sera sandale. Sandale. Oh. Je ne suis pas tombé sur le coléoptère, Caroline. Tristement. Caroline, donc tu es pour le plus grand bonheur de tous et de toutes. Caroline, alias Kim Kardashian. Voilà. Lorsque Kim veut faire une pause dans sa vie médiatique trépidante, elle vient se ressourcer à la Phalange sur Tibia, loin de la foule et de la presse. Le mot que j'aurai à placer, ce sera coléoptère. Merci David. Je t'en prie, Caroline. Le personnage m'a été soufflé, je ne dirai pas par qui. Je ne voudrais pas briser un couple. Maxence. Tiens, mon petit Maxence, tu es qui ? Merci. Oh là là, je suis Didier Deschamps. Parle dans faut le micro. Toujours parler dans le micro. Je suis Didier Deschamps. Il va me saouler. Toujours, hein, c'est toujours ça, du coup. Ouais. Ça va finir par rentrer, David, t'inquiète pas. Non, je crois pas. Non. Je suis. Attendez, s'il vous plaît, bordel. Il y a un peu de monde dans le public ce soir, ça peut être un peu le bordel. Un public complètement en folie. Je suis Didier Deschamps, sélectionneur de l'équipe de France, constamment en recherche de joueurs de talent. Une rumeur court concernant une pépite du football qui vivrait dans le village de Phalange-sur-Tibia et qui se nomme Karim Benzema. Non, pas du tout. Il rajoute des trucs. J'ai rajouté ces mots-là. Et je dois placer le mot raclette. Voilà, premier c'est ça. Raclette, très bien. Ok. Ça me paraît évident. C'est bon pour vous ? Bah oui. Écoute, ouais. Eh ben oui. Alors, on y va. Bonjour, chers amis, et merci d'avoir accepté de me remplacer sur cette enquête. Vous êtes donc à Phalange-sur-Tibia, petit village médiéval de l'est de la France, situé à 659 km de Gueugnon. Ce village n'est pas tout à fait un village comme les autres, puisque tous ses habitants, sans exception, sont muets, ce qui risque de complexifier nettement votre travail sur l'enquête. Depuis plusieurs jours maintenant, ce petit village tranquille s'est transformé en village moins tranquille. Vous avez vu l'effet là ? Il nous reste 5 minutes là. Non, pas du tout. C'est ce que je pensais. On l'a déjà fait dans un épisode ce truc là. Je sais pas qui l'a déjà fait. Mais bon. Débuchons-nous, Sherlock. Alors en effet, plusieurs drames ont eu lieu. Tout a commencé avec Daniel Bouchard, boulanger du village, qui a été retrouvé mort dans son fournil, le corps entièrement recouvert de paroles de Joe Dassin. Et depuis, les cadavres se sont accumulés dans le village de Phalange-sur-Tibia. Je vous somme d'arrêter ce massacre, chers amis. Bonne chance. Est-ce qu'on peut faire une sorte de mini brief ensemble avant le début ? Est-ce qu'on va bien se rencontrer au bout d'un moment ? Oui, alors moi je m'appelle Kim. Et on voit que ouais, t'es bien parfait. Dans le... C'était parfait. Ouais, c'est bien dans le perso, c'est bien. Didier Deschamps, bon, tu vas pouvoir prendre l'accent. Je propose un 4-2-3-1 pour ce match. Moi, ça me semble le meilleur. Pour alors passer. Moi, j'ai fait des nouveaux cosmétiques. Là, ils sont exceptionnels, Didier. Je pense que c'est Didier, hein, c'est ça ? Oui, Didier. Oui, moi, voilà. Ouais, Didier. Mon mari s'appelle Kanye. Tu dois le connaître. Du coup, samedi, on se tutoie, samedi, non vaguement. Oui, on peut se tutoyer, ouais, j'accepte. Super. Et toi, tu t'appelles comment, Michael ? Michael. Michael. C'est mon prénom. Michael. Jackson. Michael Jackson. Ok, ok. Alors moi, du coup, Kenny m'a beaucoup appris après le français, donc du coup, je n'ai pas d'accent américain. Je parle très bien le français. But Kenny, what's his name ? C'est quoi son nom de famille ? Al West. Kenny Al West. Al West. Al West. Kenny Al West. Ça me dit rien. Ça te dit rien. Non. Okay. Et ben moi j'ai un accent bien français. Mais tu pourras venir dans la villa et dans les nombreuses maisons qu'on a. Il fait quoi, hein, lui Il fait de la musique classique. Du classique. Ah, oh, L'enquête là, allez, on arrête le bordel. Là, moi je suis un, j'ai un accent bien français, Didier Deschamps. Je viens de la France, vraiment la France profonde. Mais Didier, t'as pas un problème avec tes dents? C'est vrai, non, c'est non, non. Je, si, les moi, refaites, je connais beaucoup les. Allez. Je les ai refaites il y a pas longtemps. Ça m'a pris. Ça m'a coûté un. Oh. Mais attendez, on a parlé de mes dents de nuit. C'est un problème dedans. Attends, attends, attends. Je connais un très, des très bons chirurgiens. Je peux te montrer mes fesses si tu veux. Je. Ma foi, l'enquête. On en discutera hors, hors enquête. Oui, sans, comme tu veux. Soit les deux ont été refaits. On se fera une petite raclette ensemble. D'accord, ok. J'ai un coléoptère sur le haut des fesses. Bon, on pourra peut-être se mettre sur l'enquête. Bah, c'est ce que je dis depuis tout à l'heure. On va essayer. Je vais essayer de perdre cet accent pour le. Ouais. Ça vient un peu en décrescendo comme ça. Bon, je pose mes sandales, je mets mes chaussures, on y va. Je vous rejoins tout de suite. Nous nous retrouvons dans le petit village de Virel-sous-Bois. Non. Non. Fallange-sur-Tibia. J'y étais presque. Et nous partîmes. On va visiter quoi? Un petit. Une boutique pour l'instant. La boulangerie là. Mais tes sandales me font mal, Michael. Bon. Est-ce qu'on. On se dirigerait pas vers une école, non? Moi, j'aimerais beaucoup trouver des sortes de. Pourquoi pas une école? Ouais, oui, on va voir. Je vous avoue que je suis venu ici pour tourner un clip. À la base, avec le clip de mon nouveau single Thriller. Oh mon. Je pensais à quelque chose de très enfantin c'est en fait. Un peu old school, un peu. De oui. Très. Les zombies dans les couloirs, c'est vrai que c'est. Très ouais. Sauvage, très enfantin aussi. Didier, t'en penses quoi de ça? Je valide ce choix parfaitement, ouais, ça me semble très très moi, bien. Moi je le verrais bien chez un chirurgien. Le tueur, vous parlez du. On laisse tomber l'école alors. Ouais, allons chez le chirurgien alors. Ouais, ça me va, on peut tenter le chirurgien aussi. Après, tu peux voir pour emmener des enfants aussi. Ouais, oh, ça devient bizarre. C'est pas faux, on pourrait essayer avec, peut-être. Avec un ballon, non? On peut, tu savais, moi j'ai une âme artistique qui est quand même très élevée, c'est pour ça que j'en suis arrivé là. Je suis ici juste pour prendre une sorte de. Voilà, des repérages, mais c'est aussi des vacances pour moi. vous inquiétez pas pour moi, pour mon tournage, on peut, mais, on peut mais aller. Mais moi aussi, la médiatisation, je n'en peux plus. C'est, on supporte c'est, plus, hein, c'est système. Et l'enquête, s'il vous plaît, là. L'enquête. On se remet, voilà. L'enquête, on l'enquête. Ah, l'enquête, c'est compliqué. C'est compliqué. Est-ce qu'on appellerait pas Sherlock, peut-être qu'il a. Ah, tu veux l'appeler toi directement? Non, moi j'irais bien à la boulangerie. Peut-être qu'il a un bon nom de chirurgien à nous. Non, allez, moi j'irai à la boulangerie. La boulangerie. La boule... On va à la boulangerie. Comme ça, on pourra peut-être manger une raclette. Hey, salut la boulangère. Ça, je vous présente mes deux amis. Il y a Didier ici. Bonjour. Et Kim. Hey. Ça, Kim. Kim Kardashian. Peut-être que vous connaissez. Dites-nous. C'est vrai qu'il parle pas ici. Non, parlez... il parle oui, pas. Oui, c'est vrai, mais mince. Comment on va faire? Parlez-nous du meurtre. Il nous entend au moins, tu crois? Oui, on lui fait des. Des signaux. Des signes. Des signes. Signes, signaux. Signaux, on lui demande qui a tué Jean Dassin. Non, Jean Dassin, c'était les paroles qu'on a retrouvées sur. Il y avait marqué aux Champs-Élysées sur son corps. T'as un certain manque de culture, Didier, là. Le football, il n'y a pas que le football. Il n'y a pas que le football. C'est le football, c'est le football. Après, c'est. Mais tu as dû faire des choix. Donc on va demander qu'est-ce qu'on lui demande à la boulangère. On lui écrit sur un papier. Qu'est-ce qu'on pourrait lui dire? On lui écrit sur un papier. Ça, c'est une très bonne idée. Alors moi, sachant que j'ai une très très belle écriture, eh ben, écoute, puisque j'écris souvent avec Kaini. Eh ben, tu veux qu'on te dicte? Ah oui, ça je veux bien. On va te dicter alors. Vas-y, prends. Merci pour le stylo. Il y a eu un mort près de chez nous. Ça a priori, elle est au courant. Oui, normalement. Ah oui, ils peuvent entendre. Ah oui, ça, a priori, elle est au courant. Ah oui, elle a l'air au courant. Ah, elle dit oui. Ah oui, elle dit oui. Ah, bah oui, elle dit oui. Ah mais oui, ils entendent en fait. Elle dit oui, ils ah oui, ils entendent, oui, elle a l'air pas. Au courant, oui. Ouais, ah, ils parlent mêlés, pas, bah oui. Eh ben, on va lui donner le papier à elle. Ah. Aïe, voilà. On va décrocher parce que je pense que. Allô? Oui, allô, oui. Oui, oui, bonjour. Vous êtes où là exactement? Pas mal. À la boulangerie, Charlotte. Boulangerie. Ah d'accord, ok. Baker. Bakery. Alors, la boulangère a déjà été visitée, mais ça, vous le saviez pas forcément. Attends, dans l'épisode 5. Dans l'épisode 1, je crois. Dans l'épisode 1. Ah, vous l'aviez pas écouté, c'est celui-ci. De 4 épisodes. Mais c'est pas grave, hein, après, faites. Vous aviez une chance mais sur 5. Voilà. Nous, on se demandait. Non, on le savait. Seulement, on se demandait peut-être qu'elle avait des nouvelles informations à nous transmettre. Ah, peut-être, bien tu sûr. Tu sais, Sherlock, je remets pas en question peut-être tes capacités d'enquête. Simplement, les temps changent. Les techniques évoluent aussi, je pense qu'elle pourrait peut-être certainement. Par contre, au niveau technique, j'ai vu que vous écriviez, ça ne sert à rien, puisqu'ils ne sont pas sourds. On s'est trompé, voilà, on est d'accord. Ouais, je vous laisse, je dois aller bosser. Sourd, ça ressemble. Il fallait se présenter. Il raccroche comme ça. Pourquoi vous mettez la musique de C77? Il faut le supporter. Non, il a raccroché, il nous a laissé sur attente. Ah ouais, il nous a mis sur attente. bien de quoi il peut être Didier, occupé à faire. Qu'en penses-tu? Irions-nous à l'école? Moi, je pense que j'irai à l'école. En vrai, voilà, primaire, de préférence pour ma fille. Les jeunes talents pour primaire, je préfère. Moi, je cherche des gens de très petite taille. Oui, moi, je cherche des jeunes talents pour le football. Et voilà, et moi, je cherche des nouveaux mannequins pour mes produits et pour Kaini. Tout à fait. J'avais vu, voilà, tout à fait, qu'on prenait de plus en plus tôt aussi les mannequins. J'aime ça. Oui, oui, dès 6 ans, on les prend. On ne les fait plus manger et ils deviennent du coup ils deviennent très beaux, très forts. C'est juste là. Dans l'élite, hein. C'est juste là. C'est juste là. Allons-y. Là. Hop. Et ben, hop. Wow. Salut les enfants. J'ai plus l'habitude de faire du sport. Et c'est Mike. Il parle pas non plus. Là, ah ouais, non. Ah oui, oh, pauvre de toi. Oh là là. C'est compliqué. J'ai vraiment mal avec ces sandales. Hein. Je vais remettre mes talons devant. Écoute, remets les talons. Moi, si je te les prête pour moi. Peut-être que c'est parce que tu. Ah, mais tu fais du 34 aussi. Moi, je fais du 43. Ah bah oui, c'est peut-être ça. Ah, ça joue. Peut-être. Je trouve que les sandales ne t'allaient pas aussi bien que les talons. Ah, merci Didier, merci. C'est normal, c'est peut-être. Bon. C'est un qui est toujours là. Ah, madame la directrice. Ah, bah elle nous a vu. On a toujours le papier. On va lui demander d'écrire au tableau. Il y a un tableau. Ah bah oui, un tableau. Ah, quelle bonne idée, Didier. Quelle bonne interprétation. J'adore. Alors, tu as l'esprit. L'esprit sportif. Hein. L'esprit sportif. On le ressent. C'est le beau jeu, c'est le beau jeu. Oui. Tout est là pour le beau jeu. Alors, madame la directrice, pardon. Est-ce que. Tu veux peut-être que je pose la question, non? Je crois que tu étais le novice. En vérité, Sherlock m'avait écrit un mail, il m'avait dit que t'étais peut-être le plus novice des trois. Ok, c'est sympa, ça fait plaisir. Je vais lui demander, je vais lui poser J'en parlerai à Sherlock en privé. Une petite question. Madame la directrice, qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que vous avez des informations à nous transmettre? On sait qu'il y a peut-être des enfants qui ont été impliqués là-dedans. Moi, il faut savoir que ça me touche beaucoup. Et ma collègue Kim aussi, ça la touche beaucoup, parce qu'elle aimerait recruter aussi des mannequins chez vous, etc. Est-ce que peut-être vous avez entendu des informations? Alors, entendu, oui, mais peut-être pas du village, puisque personne ne peut parler ici, j'ai l'impression. Est-ce que des enfants, peut-être, ont signifié des gestes qui montraient que, voilà. Est-ce qu'on peut les faire jouer au ballon, un petit peu, juste pour Est-ce qu'on peut les faire défiler également Ça va faire beaucoup d'eau. Et 2 et 3. Elle va écrire tout ça sur le tableau, hein, la peau. Putain, écris vite. Alors. Ok, donc elle dit... Des informations, oui. Oui, le meurtrier est... Un joueur du club. Un joueur du club. Bah, quel club, madame? Quel club? Je suis premier surpris. Je connais elle dessine un truc, elle dessine un truc. C'est un pays. Oh c'est un... Non, c'est rond. C'est rond? C'est rond, c'est un ballon? C'est un ballon. Un ballon de foot. C'est le ballon rond. C'est le club de foot. C'est le club de foot du ballon rond. C'est ça. Ah, le club du village, le ballon rond. Oh, Sherlock. Ah, c'est un joueur du ballon rond du village, hein, c'est ça. Du village. Okay. On va est-ce que les jeunes, ils ont été juste peut-être un peu traumatisés ou quoi? Est-ce qu'on irait pas au club de district? Va-t'en, pédophile. On va y aller peut-être, non? On va peut-être y aller. On est dans la rue ou dans le club de foot là? je crois que là on est dans la rue ce coup-là. On est dans la rue. On s'est mis. Ah ouais, on cherche le club de football. Donc du coup on marche rapidement. On court. Du coup on fait un petit entraînement, hein, Didier. Allons-y, ouais, petit entraînement, Didier. On y va en jogging. Allez, go. Hop. Et un, et deux. Hey, le club de foot. Oh, ça joue bien. Oh là là, hey. Les chandelles. Oh là. Le terrain, on dirait les Orions, bordel. Je devais vraiment servir pour ce clip là. Incroyable. Faire sortir les enfants du sol comme ça, ma foi, je m'égare. Ah, des paparazzis. Oh, il y a les paparazzis. Moi, ils me prennent pas en photo par contre. Tiens, prends cette veste, mets-la sur ta tête. Ah, moi, c'est 100 000 euros l'orthographe. Remets les sandales, peut-être qu'ils te reconnaîtront pas. Ah, voilà, je vais remettre tes sandales. Merci. Merci, Mike. Moi, j'ai un peu de raclette pour Allen et hop, t'as le combo gagnant. Hey, ah, bonjour monsieur. Bonjour monsieur l'entraîneur. Monsieur l'entraîneur, il parle pas non plus celui-là. Personne ne parle. Si. Hey, toi, t'es sûr tu veux vraiment un joueur muet dans ton équipe? Ça peut servir. Oui, c'est bien. Tout à fait. Le handicap, c'est très important. Exactement. Parce que, au final, bon, ça attire bien sûr qu'évidemment, quand on passe outre, c'est encore plus merveilleux. Oui. Tout à fait. Mais je pense qu'il serait important, Michael, d'engager le sujet avec lui au niveau du ballon rond aussi pour toi, Didier. Oui, et notamment sur. Sur les enfants et le terrain. Sur le terrain. Le fait de comprendre pourquoi il est important pour toi d'aller dans ce village pour réaliser ton clip, montrer un petit peu ta passion. Hein Tu as l'esprit que j'aime beaucoup. C'est à l'américaine. Oh, ça sent pas très bon. Il nous reste peu de temps, je crois. Eh ben, on prend 22 Tiens, gamins. Prends on le attrape. 11 contre 11, c'est parti. Non, l'enquête. 5 minutes. Ah, l'enquête. Attrape le chef du club. Attrape le chef. On le chope. C'est bon, je l'ai chopé. Tiens. Allez, on arrête les conneries. Là, 2 minutes. Donne-lui un stylo, Kim. Allez, il va nous écrire ça là. Ouais, c'est bon, je l'ai. Allez, tiens, hop. Écris-nous. Il va nous écrire. Alors, c'est qui le tueur? Donne-nous l'identité maintenant. Donc, c'est un homme, apparemment. Apparemment. C'est un homme. Ouais, il a mis H. H avec un H. Non, il y a un numéro 6. Il n'y a pas de numéro au football. H7. Le 6. C'est une bataille navale. C'est un homme. Peut-être que c'est une bataille navale. Une bataille navale. Donc, ça se serait passé sur H7. Un bateau. Est-ce que c'est touché? Non. Et apparemment, cette personne adorait Joe Dassin. Ah. Oh là là, oui. H7, ah, Joe Dassin. Joe Dassin. Ouais, deux. Alors, toi, Michael, qui est très musique comme moi, est-ce que tu pourrais nous pousser la chansonnette? Sur du Joe Dassin? Du Joe Dassin, évidemment. Sur du Joe Dassin. À l'American. Ouf, avec l'accent, s'il te plaît. Comme aux Champs-Élysées, quoi, par exemple. Est-ce que c'était bien Joe Dassin, Champs-Élysées? Oui, mais tout à fait. Hey, c'est... alors, Champs-Élysées, pa-da-pa-da-pa. Oh, Champs-Élysées, pa-da-pa-da-pa. Et on va peut-être s'y remettre, non? Oui, oui, oui. Je crois qu'il ne reste plus que deux minutes, là. Attends, on arrête. Ça va être compliqué, en fait. Je pense que... Ouh là là là, on va prendre une chasse encore, là. Allô? Oui, Sherlock, Sherlock, hey. C'est très fouillé, hein. J'ai l'impression que vous parlez tout en même temps, non? Non, pas okay. Du tout. On est sur le directeur du club. Il nous a annoncé. Moi, je pensais que c'était peut-être le numéro 6 de l'équipe. Un homme, finalement, il nous a annoncé un H7 avec quelqu'un qui a. H6, c'est un 6, ça hein. C'est un 6, pardon. Excuse-moi, Michael. Avec Joe Dassin. Donc, vous avez trouvé un autre cadavre, c'est ça? Alors, non, c'est non. Non, pas exactement. Alors, non, pas encore. Non, pour l'instant, on le cuisine. Mais je vous laisse faire, alors. Hein, mais c'est vrai qu'il y a une odeur un peu bizarre maintenant que tu le dis. Tiens, d'ailleurs, il y a une odeur un peu. Dans le vestiaire, au début, je pensais que c'était les chaussettes. Je sais pas, Didier, ce que tu en penses, mais tu t'y connais en odeur de vestiaire. Du coup, mais est-ce qu'il serait... C'est très dégradant, Kimela, c'est... Eh, il y a une porte là-bas, là. Chacun ses compétences. Oui, 5 minutes, alors, oui. Juste, moi, je me dirigerais bien vers le frigo. Ok, le frigo, il y a une oui. porte là-bas. Oui, on va aller sur la célèbre... Parce qu'avant de faire des études dans les cosmétiques et dans toute la musique, okay. J'ai fait des études de thanatopracteur. Et oui, la conservation des corps. Eh ben, je crois qu'on a vraiment très peu de temps. On va, on va aller dans le frigo. Le problème, dans le frigo où il y a les canettes de bière. Je sens vraiment cette odeur bizarre. Ouais, ouais, ouais. Hop, on va voir ça. Oh là là. Arrête. Dites-moi pas. Oh, je vais vomir. Pas. Quand même. Oh, what a hell. Oh my god. Ils auraient pas planqué. Quel enfer. Oh, ils l'ont même pas habillé. C'est dégueulasse. Mais... Wow, ça me dérange regardez, pas. Regardez la poche, là, regardez la poche. La la la la la. On va laisser Kim avec. La, la, la, la, Michael, est-ce que tu vois la même chose que moi? La la la la la. Oh, Champs-Élysées. La la la la la. La, la. Très bien. Parfait. On va finir là-dessus. Vous pouvez garder le micro, hein, on va débriefer. Bah, on peut débriefer, ouais, écoute. Comment vous avez senti ce petit truc? C'était vachement sympa. C'était pas Moi j'ai vraiment adoré mes collègues. C'est passé super vite en tout cas. Le problème, c'est que bon, bah quand t'es. Voilà, quand t'as rien, quoi. Ah bah oui, quand t'as rien, t'as rien, comme disait Jean-Paul Sartre. Peut-être bête, hein. Quand t'as rien, t'as rien. Et qui sera? Verra. Qu'est-ce que ça? Oui, on va. Mais c'était peut-être un peu brouillon parfois. Un peu brouillon, mais écoute, il fallait qu'on apprenne à se connaître aussi. Tiens, on est trois personnalités fortes. Ah oui, ayant... Surtout moi. Surtout Kim. Hein. Kim, tu sens qu'elle a, malgré son jeune âge, mine de rien, qu'elle a vécu quand même beaucoup. Malgré son nez jeune âge. Ouais. J'ai beaucoup vécu et mon mari Kenny à l'Ouest te le dira. Bah oui, puis elle a vécu dans les jeunes aussi. Après, j'ai trouvé quand même précise par rapport à Michael qui était quand même un petit peu. Oui, c'est vrai que Michael. Mais Didier nous a apporté beaucoup, beaucoup de points de vue au niveau footballistique, évidemment. Évidemment. D'un point de vue technique, c'est vrai qu'il était aussi. Et moi, Michael, j'ai vraiment adoré ton accent anglais. J'adore. Je vais les laisser entre Michael et Kim. Ouais, je suis pas sûr qu'il se passe quelque chose, mais bon, bref. Ouais. Merci en tout cas d'avoir écouté ce 6e épisode. Merci. Merci aux auditeurs. Merci à toi, nous. Mais moi aussi, merci aux auditeurs. Merci à Sherlock surtout. Merci à Sherlock, à la prod. Merci Rémi. Ces gens-là qui nous suivent chaque semaine. Bien sûr, m'ajouter sur tous les réseaux sociaux. C'est le bordel cet épisode. Merci Caroline, merci Maxence. Est-ce que je peux faire une petite dédicace avant de raccrocher l'antenne? Si, il y a la seconde 6 du lycée Henri Périac que j'embrasse très très fort. Ça me fait plaisir de l'avoir. Martin, elle est pour toi celle-là. Allez, bisous, bisous. Tu veux que je passe quelque chose de particulier, non, comme morceau? Ouais. Aux Champs-Élysées. Bah, on va partir. Ouais, bah, on va terminer peut-être. Ouais, le serpent se mord la queue. Les Champs-Élysées, on est parti pour ça. Pour ouais, mais j'ai pas les droits, donc non, ça sera. On n'a pas les droits. On peut la chanter peut-être. Vous pouvez la chanter. Voilà, on terminera là-dessus. Champs-Élysées, palapalapa. Oh, Champs-Élysées, palapalapa. Au soleil, au soleil. Il faut couper là. Et à minuit. Il faut couper là. Salut. Salut.